Cette promenade fut fatale à l'étudiant. Quelques femmes le remarquèrent. Il était si beau, si jeune, et d'une élégance de si bon goût. En se voyant l'objet d'une attention presque admirative, il ne pensa plus à ses sœurs, ni à sa tante dépouillée, ni à ses vertueuses répugnances. Après avoir indolemment flâné, vers 5 heures, Eugène se présenta chez Madame de Beauséant. Celle-ci l'emmena le soir même au théâtre des Italiens, où il fut ébloui, notamment par des films de Nucingen, qu'il reçoit dans sa loge et le laisse la courtiser d'autant plus facilement qu'elle constate que son amant de Marsay est en train de l'abandonner. L'étudiant revint à pied du théâtre italien à la rue Neuve-Sainte-Geneviève en faisant les plus doux projets. Il avait bien remarqué l'attention avec laquelle Madame de Restaud l'avait examiné, soit dans la loge de la vicomtesse, soit dans celle de Madame de Nucingen. Il présuma que la porte de la comtesse ne lui serait plus fermée. Ainsi déjà, 4 relations majeures, car il comptait bien plaire à la maréchale, allaient lui être acquises au cœur de la haute société parisienne.